Nous ne pouvons pas passer un seul instant loin de toi. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. Parce que nous t'aimons. Chacun des battements de nos cœurs disent « Je t'aime, Jésus ». Je t'aime Yahweh, je t'aime, mon cœur déborde d'amour pour toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvé dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. J'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime, Yahweh. toi. Je veux juste dire que je t'aime. Seigneur, crois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime.